y a longtemps. J'ai encore le goût de son sang. Le monde est vain, mais heureusement, le vin fait oublier le temps. Le vin est vain car sans de Dieu, qui n'existe pas ou si peu, son sang divin fait qu'heureusement, le vin fait oublier le temps. Le vin fait oublier le temps. D'artifice, wow. Toi Narcisse, tu n'en vois que 6, wow. Moi j'en vois 20, mais heureusement, le vin fait oublier le temps. Ton sourire ravi tous nous glisse, wow. Au fin fond noir du précipice, wow. Sourire ravin. Mais heureusement, le vin fait oublier le temps. Le vin fait oublier le temps.